Le 28 octobre, le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé un message de félicitations à la 18e conférence internationale des partis communistes et ouvriers. Le message indique notamment « La conférence internationale des partis communistes et ouvriers, tenue de siècle en siècle, a échangé les succès et expériences obtenus dans la lutte pour rejeter les manœuvres antisocialistes des impérialistes et livrer constamment le mouvement socialiste » et accomplit à merveille sa mission et son but pour renforcer le soutien et la solidarité. La conférence sera une occasion importante pour que les partis communistes et ouvriers fassent progresser victorieusement la cause socialiste avec des stratégies et tactiques justes face à la confrontation de plus en plus grave entre les forces indépendantes et dominantes. Pour terminer, le message a souhaité sincèrement grand succès dans la conférence.